Chapitre 13. Le lendemain de la soirée qu'il avait passée aux Trois Pains de Sucre, Morton était assis dans son cabinet, faisant de vains efforts pour concentrer son attention sur les débats parlementaires que son journal reproduisait in extenso. Ses pensées se reportaient malgré lui sur les propos qu'il avait entendus la veille. Il se demandait s'il était vrai, ainsi que Wade l'affirmait, qu'il eût si peu de ressemblance au moral entre son père et lui. Walter Blake était en effet un homme beaucoup moins sérieux que son fils. Il aimait le monde, les plaisirs, la chasse avec passion. Ardent en toutes choses, ses impressions étaient très vives, ses manières affables et sympathiques. Il n'avait jamais eu d'autre but que le plaisir et de rendre l'existence agréable à ceux qui l'entouraient. Sa générosité n'avait pas de bornes, mais il donnait sans réflexion, comme il faisait d'ailleurs presque toutes choses. Avant d'avoir 21 ans accomplis, il avait épousé Miss Horatia Martin, la plus belle personne du district. Au bout de 6 mois, il avait la certitude que ce choix ferait le malheur de sa vie. Il chercha à tirer le moins mauvais parti possible de la situation. Aussi n'était-il guère chez lui qu'aux heures des repas, pendant lesquelles il causait d'ailleurs avec la plus parfaite courtoisie à Madame Walter Blake, si bien que toutes les femmes le citaient comme modèle à leur mari. Toutefois, bien que Madame Walter Blake fût admirablement belle dans sa grande tenue du soir, son mari n'avait pas plus tôt achevé de dîner qu'il la quittait pour aller dans le fumoir avec ses amis et de là faire des parties de billard avec eux. À ça près, le ménage paraissait parfaitement uni. Morton n'eût pas fait si bon marché de ses sentiments ou de ses ressentiments. La vie, pour lui, n'était pas simplement une route fleurie qui n'avait d'autre terme que la tranquillité ou le plaisir. C'était un esprit sérieux, un homme de devoir avant tout. Il avait beaucoup lu et encore plus réfléchi. Son ambition la plus chère était de prendre place un jour au Parlement, et depuis que la justice avait, par la condamnation de Vargas, vengé la mort de sa victime, Morton Blake cherchait d'heure et chef à se reprendre à tout ce que jadis était l'intérêt de sa vie. Très libéral comme son grand-père, il s'était promis de défendre au Parlement les classes nécessiteuses, et en attendant, il approfondissait les grandes questions sociales. Mais il ne parvenait pas à s'y appliquer longtemps, et nous le trouvons se promenant par la chambre à grands pas. Après avoir jeté sur la table un article relatif à la loi des pauvres, il s'écria. Puis, retombant dans ses pensées habituelles, il ajouta. « Que voulait dire cet homme par ses sous-entendus en parlant, comme il le faisait, à mots couverts, d'un mystère domestique, d'une rupture d'amitié possible entre mon père et Sir Everard Courtenay ? Pourquoi a-t-il demandé si la conduite de Lady Courtenay avait toujours été exempte de soupçons ? Personne, que je sache, ne s'est jamais permis aucune allusion fâcheuse à son sujet. » Qui a pu suggérer une idée pareille à l'avocat de ce misérable ? Je voudrais voir M. Tomplin et en causer avec lui. Comment un homme peut-il avancer un pareil fait s'il n'a aucune raison pour cela ? Après avoir arpenté longtemps son appartement, Morton Blake s'arrêta devant une large fenêtre d'où l'on dominait la pelouse et la pépinière. De là, il semblait uniquement occupé à regarder le jardinier qui balayait les allées et enlevait les feuilles mortes. Mais ses yeux avaient beau être fixés sur ce point, son esprit était ailleurs. Qui de tous ces chasseurs avait pu avoir une querelle avec mon père ? Quel en était le motif ? Quel sujet de ressentiment pouvait-on alléguer contre lui, qui était le plus ouvert et le meilleur des hommes ? Comment retourner en arrière, sonder son passé ? Tante Dorothée doit en savoir quelque chose. Elle a vécu avec lui pendant les 3 dernières années de la vie de mon père, et il est impossible qu'il ait eu un ennemi terrible, acharné, sans qu'il l'ait dit à sa sœur ou qu'elle l'ait deviné. Son regard tomba au même instant sur une jeune femme qui venait de franchir la grille. Cette inconnue avait l'aspect d'une servante de bonne maison ou d'une commerçante. Elle était vêtue de noir, ce qui faisait ressortir davantage encore la pâleur de son visage anxieux. Elle passa sous la fenêtre même du cabinet de Morton, se dirigeant vers la porte d'entrée. Arrivée là, elle dit, tout en avançant toujours, qu'elle désirait parler à M. Blake. Mais le majordome, lui obstruant le passage, lui demanda de sa grosse voix son nom et ce qui l'amenait. « Je ne puis le dire qu'à M. Morton Blake en personne, » répondit-elle d'un ton résolu. « Mon nom lui est étranger, mais je vous en conjure. Allez lui dire qu'une femme dévorée d'inquiétude sollicite de lui un moment d'entretien. » Le majordome se refusait quand même à laisser pénétrer l'inconnu. Heureusement pour elle que ce colloque attira l'attention de Morton Blake et qu'il ordonna de faire entrer. S'avançant vers cette femme, il l'invita lui-même à passer dans son cabinet et lui exposer brièvement son affaire. « Toutefois, ajouta-t-il, voyez, avant de commencer, si vous ne préférez pas en causer avec ma tante plutôt qu'avec moi, qu'en pensez-vous ? » ?»« Non, monsieur, c'est à vous-même que je désire parler. Il s'agit d'une affaire qui vous concerne. »« Vraiment ?» dit Morton d'un air étonné. La physionomie franche et honnête de cette femme avait de prime abord favorablement disposé Morton en sa faveur. « Mon nom est Jeanne Barnard, monsieur. Je suis la fille aînée du misérable qui doit être pendu de demain en 8 dans la prison de Highley. » À ces mots, le visage de Morton s'assombrit. Il fronça le sourcil en s'écriant. « Il m'étonne que vous ayez l'audace de vous présenter ici. Je ne saurais vous entendre en vérité. Ah, monsieur, de grâce, ne parlez pas ainsi. Je vous en supplie. Si je n'avais la certitude que mon père est innocent, je n'aurais jamais franchi le seuil de votre porte. » Le criminel a avoué son crime, et la justice l'a déclaré coupable. Mais à moi, monsieur, il m'a juré qu'il n'était pas l'auteur du meurtre de votre père. Il a pris l'argent sur son cadavre, mais il n'a pas versé son sang. C'est un voleur, je le sais, je le reconnais. S'il a commis bien des fautes graves, il n'y a du moins pas d'assassinat à se reprocher. Il est assez étrange d'oser venir me raconter une histoire pareille. Le coupable est condamné sur ses propres aveux. Qui peut pousser un homme à s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis ? S'il eût seulement tenu à se procurer un abri, il lui suffit de se reconnaître coupable d'avoir dérobé la montre et la chaîne de mon père pour être emprisonné comme un voleur de grand chemin. Songez, monsieur, qu'il n'avait ni pain ni abri, qu'il n'avait pas même de quoi s'acheter une corde pour se pendre. Son vieux corps courbé par l'âge ne pouvait plus se redresser pour le travail. Il savait que se livrer à la justice, c'était se délivrer de tous ses maux. Alors il n'a eu que ce qu'il voulait, repartit Morton, puisqu'il sera pendu la semaine prochaine. En proie à d'horribles angoisses, mon père ne peut supporter l'approche du jour fatal. Il n'en avait pas sans doute mesuré toute l'horreur. Aussi, dans sa détresse, m'a-t-il supplié de venir vous demander humblement pardon d'avoir fait une fausse déclaration. Il s'en prend au démon qui l'a poussé à s'accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Et il vous conjure de signer la requête adressée en sa faveur au ministre de la Justice. Quoi ? Il me faudrait intercéder pour la vie du meurtrier de mon père, alors que depuis 20 ans, je suis affamé de justice et de vengeance, et que j'ai obtenu enfin satisfaction. Mon père est innocent de ce crime. Sans doute, c'est ce qu'il vous a dit. Quant à moi, j'ai la conviction du contraire. Les condamnés attendent généralement à leur dernière heure pour faire des aveux. Votre père, lui, après s'être livré avec une sorte d'héroïsme, recule lâchement au moment fatal. Mais il n'en est pas moins vrai que c'est lui qui a assassiné mon père. Que Dieu me préserve de vouloir arrêter le cours de la justice. Sir Everard Courtenay a été l'un des premiers à s'employer pour faire commuer la peine de mon père, l'un des premiers à signer la requête. Je regrette qu'il en soit ainsi. Maintenant, je vous prierai de ne pas prolonger cet entretien. Il m'est très pénible et ne peut manquer de l'être également pour vous. Quand il s'agit de sauver les jours d'un père qui, dans un moment d'aberration, s'est follement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, on ne jette pas du premier coup le manche après la cognée, monsieur. Je suis venu d'Amérique pour l'arracher aux terribles conséquences de sa fausse déclaration et afin d'empêcher qu'il ne l'expie sur le gibet. Dieu aidant, je ne me découragerai pas au premier obstacle. Vous êtes venu, dites-vous, d'Amérique pour sauver votre père, bien qu'il eût abandonné ses enfants. C'est à peine si vous deviez le connaître. C'est vrai, monsieur. Néanmoins, dans notre petite enfance, il était bon pour nous. Il nous aimait. Il s'est donné à la boisson, et c'est là ce qu'il a perdu. M. Walter Blake le chassa de son domaine à cause de cette déplorable habitude. Ma mère mourut. Ce fut alors qu'il se livra de plus en plus à l'ivrognerie et qu'il nous abandonna. Mais pour moi, monsieur, mes devoirs envers lui restent les mêmes, et je saurai les remplir. Puis, j'ai en Amérique un excellent mari, 4 beaux enfants, et je ne veux pas que personne puisse dire que mon père a été un assassin et qu'il a été puni comme tel, car en réalité, il n'est pas l'auteur du crime dont il s'est faussement accusé. Mon mari est un homme intelligent, laborieux et honnête. Il est marchand à Boston, où il jouit de la considération de tous ceux qui le connaissent. Par notre travail, nous avons acquis une bonne aisance. Nous sommes heureux. Je n'étais qu'une simple servante lorsque je partis pour l'Amérique. Élevé dans un établissement de charité de Highley, on me plaça à 14 ans comme bonne à tout faire chez de pauvres petits boutiquiers de la ville. Mes frères furent mis en apprentissage, et nous arrivâmes tous à bien, les uns au pays, les autres au loin. Comment avez-vous appris la situation de votre père ? un de mes frères m'envoya un journal de Highley. Dès que je sus que mon père s'était ainsi volontairement livré à la justice, je partis, car je ne pouvais le croire coupable, bien qu'il fût son propre accusateur. Je l'ai vu, j'ai causé avec lui, et maintenant, je suis sûr qu'il est innocent. J'espérais arriver avant le jugement. Malheureusement, le paquebot n'est entré à Liverpool qu'avant-hier. » La jeune femme cessa alors de parler. De son côté, Morton garda un moment le silence. Il était debout devant la fenêtre, les yeux fixés sur la pelouse, mais sans rien voir. Ses sourcils froncés, ses lèvres pincées, n'indiquaient pas que le récit qu'il venait d'entendre eût fait germer dans son cœur des sentiments de miséricorde. La femme qui était venue intercéder si résolument pour son père se tenait devant lui, les mains jointes, le regardant avec une indicible angoisse. « Je respecte vos intentions et vos sentiments, » dit enfin Morton. « Néanmoins, vous ne pouvez compter sur mon intercession en faveur du condamné, si vous ne me fournissez les preuves qu'un autre individu a été l'assassin de mon père. Il s'est accusé lui-même, la justice l'a condamné, et il doit subir les conséquences de ses propres actions. « Oh, monsieur, je n'appelle à votre pitié, à votre justice. Comment puis-je, en 8 jours, remplir les conditions léonines que vous m'imposez, moi, une faible femme, sans amis, sans soutien, sans conseil, sur cette terre qui m'est devenue comme étrangère depuis 18 ans que je l'ai quittée ? J'espérais que vous ne repousseriez pas ma requête, et qu'après avoir tant souffert de la perte violente de votre père, vous comprendriez mes tortures et mes craintes. Mon père n'est pas le meurtrier du vôtre. Sa nature, qui n'est ni dépravée ni cruelle, mais faible et sans énergie, a pu lui faire commettre de grandes fautes, mais non un crime, et je jure que ce n'est pas sa main qui a fendu le crâne de M. Walter Blake comme on fend un morceau de bois pourri. « Alors prouvez son innocence, » dit Morton. « J'essaierai, » répondit-elle avec un geste sublime en se dirigeant vers la porte.